Bonjour tout le monde. Time for our first dictation. Let's see if you can write down what I say. I am going to give you 25 sentences and let's see if you can come up with writing down correctly what you hear. Ready? 1. Bonjour madame. You write. Bonjour madame. 2. Comment vous appelez-vous? Comment vous appelez-vous? 3. Quel temps fait-il aujourd'hui? 4. Quelle heure est-il? 5. Où habitez-vous? 6. Êtes-vous étudiant ou professeur? 7. Quel est votre numéro de téléphone? 8. Comment allez-vous? 9. Épelez mademoiselle. 10. Quelle heure est-il? 11. Allez au tableau. 12. Je ne comprends pas. 13. Qui est-ce? 14. Qu'est-ce que c'est? 15. C'est un morceau de craie. 16. C'est une chaise. 17. C'est un homme. 18. C'est une femme. 19. Répétez, s'il vous plaît. 20. Je ne comprends pas. 21. Je ne sais pas. 22. Rendez vos devoirs. 23. Répétez, s'il vous plaît. 24. Au revoir, madame. 25. Salut. If you were able to write all of this, you're in very good shape for the test. Until tomorrow, à demain.